Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons commencer une émission tout à fait spéciale. Rien à voir avec les autres émissions que j'anime souvent. Mais c'est une émission qui a deux volets. Un volet judiciaire sur le placement en garde à vue ce matin de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Et nous allons comprendre juridiquement pourquoi il a été placé en garde à vue et aussi spirituellement pourquoi il s'est retrouvé dans ce dilemme, si ça peut être considéré comme un dilemme. Alors nous allons écouter d'abord le premier récit judiciaire. Qu'est-ce que la justice française reproche donc à Nicolas Sarkozy et qui est donc l'auteur des ennuis de Nicolas Sarkozy du côté spirituel? Merci. Garde à vue. Depuis la publication en mai 2012 par le site Mediapart d'un document libyen faisant état d'un financement par la Libye de Kadhafi de la campagne de Nicolas Sarkozy, les investigations des magistrats ont considérablement avancé, renforçant les soupçons qui pèsent sur la campagne de l'ancien chef de l'État. Entre une conférence à Dubaï sur l'éducation, quelques entrevues à son bureau parisien rue de Miromesnil et une intervention à Londres prochainement, Nicolas Sarkozy a dû honorer un rendez-vous d'un autre genre mardi 20 mars au matin. Selon nos informations, l'ancien président de la République a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, où il était convoqué dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. L'ancien président de la République est actuellement entendu dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre sur les soupçons de financement illicite qui pèsent sur sa campagne victorieuse de 2007. Entre une conférence à Dubaï sur l'éducation, quelques entrevues à son bureau parisien rue de Miromesnil et une intervention à Londres prochainement, Nicolas Sarkozy a dû honorer un rendez-vous d'un autre genre mardi 20 mars ce matin. Selon nos informations, l'ancien président de la République a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, où il était convoqué dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Alors, après avoir écouté les raisons judiciaires pourquoi Sarkozy, l'ancien président français, a été placé en garde à vue, nous allons procéder à une analyse plausible sur les faits, surtout du côté spirituel. Et quand nous faisons un tour en arrière, nous venons d'entendre que Sarkozy avait reçu un financement venant de la Libye. Et pourquoi c'est venu de la Libye? Qui a envoyé ces financements depuis la Libye? L'homme s'appelle Muammar Kadhafi. Feu président, ou bien colonel, ou bien, je ne sais comment l'appeler, le guide libyen. Alors, il a financé la campagne. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy n'était pas encore président de la République. Il voulait être président de la République. Quand on sait que être président de la République, ça demande beaucoup d'argent. Mener une campagne présidentielle pour gagner les élections, ça demande beaucoup d'argent. Et Muammar Kadhafi, qui était au pouvoir, qui gérait le pétrole, les dollars de la Libye, il a pris, selon les sources judiciaires, d'abord 5 millions d'euros en liquide. Il a envoyé à Sarkozy une somme considérable. Et ça provient de l'Afrique. Et quand on sait qu'en Afrique, il n'y a pas d'électricité, en Afrique, il n'y a rien du tout. Je dis bien, rien du tout. Il n'y a pas d'eau dans les robinets dans beaucoup de pays en Afrique. Nous savons aussi que Kadhafi a fait beaucoup de choses. En Afrique, dans beaucoup de pays. Mais dans quel but? Nous allons revenir sur cet assassinat. Qui a donc assassiné Muammar Kadhafi? C'est toujours le monsieur que vous voyez sur votre petit écran, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Bien sûr, après avoir gagné les élections financées par Muammar Kadhafi, il a reçu 5 millions. Et il y a eu également, on parle de près de 50 millions de francs, d'euros qu'il avait reçus en tout. Mais alors, du côté spirituel, quelqu'un t'a fait du bien. Tu n'étais pas président de la République. Il fallait beaucoup d'argent pour toi pour gagner les élections face aux autres candidats qui étaient financièrement bien assis. Et tu as reçu ce coup de pouce. Ça veut dire que dans cette victoire, c'est Kadhafi qui avait construit cette victoire, financièrement parlant. Et du côté spirituel, la Bible qui est la parole de Dieu nous enseigne que c'est lui qui a. Ne vous y trompez pas. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ici, Dieu ne s'adresse pas seulement à ceux qui croient en lui. Il s'adresse à toute l'humanité. C'est qu'un homme, il n'a pas dit, c'est qu'un chrétien aura semé. Il dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous avez devant vous une preuve palpable. Parce qu'aucun président français n'a pu faire ce que Sarkozy a fait. Il n'était pas encore au pouvoir. J'attire votre attention sur ce fait qu'il n'était pas encore au pouvoir. Et l'homme qu'il avait aidé à gagner les élections avec l'argent. Donc, le guide libyen, Muammar Kadhafi, a fait un sacrifice dans la vie de Sarkozy. Et Sarkozy va rendre ce bien par un mal. En assassinant, il a assassiné, tout le monde le sait, il a assassiné Muammar Kadhafi. Je précise qu'il a assassiné Muammar Kadhafi. Selon les sites comme Mediapart, et qui a aussi révélé l'existence de ce financement occulte. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui s'impose sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui s'impose l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. L'univers est contrôlé par des lois inviolables. Les savants et autres hommes de science l'ont reconnu depuis toujours. Mais une catégorie de personnes sur la terre, et même parfois les chrétiens nés de nouveau, ne reconnaissent pas que l'univers dont nous habitons aujourd'hui est régi par des lois. Et en fin de compte, les sciences physiques sont tout simplement l'étude de ces lois naturelles. Les sciences physiques n'inventent absolument rien. Peut-être ils ajoutent des mensonges. S'il n'y avait pas ce fonctionnement immuable de loi absolue, la science telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Et qui a l'origine de ces lois? Il s'appelle Dieu. Mais la science vous dira, c'est pourquoi j'ai parlé des mensonges au début. La science vous dira que Dieu n'existe pas. Ok. Un élément de preuve de l'autorité divine de la Bible est le fait que lorsqu'elle parle de choses que la science étudie, elle est toujours exacte. Et cela bien qu'elle ait été écrite plusieurs millénaires avant que la plupart des lois scientifiques auxquelles elle fait allusion aient été découvertes par des hommes. Et de nos jours, ces hommes nient l'existence de Dieu, banalisent l'existence de Dieu. Seul celui qui a fait l'univers pouvait donner à ceux qui l'ont écrit des renseignements. En tel accord avec toutes les lois et aussi les faits à tester par la science. Les écrits sacrés, par exemple, que nous voyons, l'hindouisme, on appelle ça écrits sacrés, l'hindouisme, du bouddhisme et les autres religions païennes, reflètent parfois et enseignent les choses les plus bizarres, qui n'ont rien à voir avec les desseins divins. La Bible, par contre, est non seulement véridique lorsqu'elle rapporte les faits physiques, mais enseigne clairement que l'univers est ordonné et constant, et qu'il existe non pas par accident, ni par hasard, comme la science voudrait nous le faire croire, mais par la volonté et la puissance souveraine du Dieu créateur. Job dit que Dieu entend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans les nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Job chapitre 26, versets 7 à 8, jusqu'au verset 10. Longtemps avant que les voyages de Christophe Colomb, que vous connaissez, et d'autres aventuriers ne prouvent que la terre était ronde, Esaïe a écrit, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Mais on a pris cette gloire, on a donné à un homme. Il a fait des découvertes. Quel type de découvertes? La Bible rapporte, si vous lisez Esaïe 40, verset 22, c'est la Bible qui est le premier livre qui révèle les écrits sacrés, les écrits divins, qui prouvent que la terre est ronde. C'est qui? C'est la Bible qui révèle. Isaïe 40, 22. Cercle, c'est quoi? Ça peut aussi être traduit comme sphère. Pourtant, l'idée d'une terre ronde est encore bien moins spécifique et suspendue dans l'espace était inconnu du monde ancien, inconnu véritablement du monde ancien. Et ça m'étonne aujourd'hui que lorsqu'on parle de la Bible, les gens disent que elle n'est pas digne de foi. Si tu n'es pas animé par un esprit, là aujourd'hui nous parlons de la semence, ce que ce monsieur a semé. Kadhafi lui a fait du bien. Et toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui, les gens t'ont fait du bien dans ta vie. Et tu as rendu ce bien par le mal. Ne pense pas que tu quitteras cette terre sans toutefois payer sur les actes que tu as posés, à moins que tu ne te répandes et en acceptant Jésus comme ton sauveur. Et c'est toujours la Bible qui rapporte que celui qui demande pardon à Dieu au nom de Jésus est pardonné. C'est pourquoi je reviens sur la véracité des écrits. Il est extrêmement inconséquent de la part des philosophes de prétendre qu'il n'existe pas d'absolus moraux, alors que tout ce qu'on peut observer et mesurer dans le monde physique est clairement et indéniablement régi par des règles absolues et inviolables, sans lesquelles le moindre organisme ou sous-système de notre univers, vaste et compliqué, ne pourrait fonctionner. La Bible parle clairement et fréquemment d'une loi morale absolue. Ainsi, Dieu avait donné à Nébuchadnezzar l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Mais à cause de son arrogance, il l'a précipité de son trône et l'a rendu semblable aux animaux des champs qui se nourrissent d'herbes. Et Daniel déclare à son fils Belsazar, durant le fameux banquet à Babylone, « Et toi, Belsazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoi que tu saches toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de la maison ont été apportés. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous, vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué des dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu les as glorifiés. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et le prophète a alors expliqué ce que signifiait donc l'inscription. Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Tu as été pesé dans l'encre, dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Daniel chapitre 5, versets 18 à 28. Est-ce que cela n'est pas arrivé? Les moqueurs de cette vie, les moqueurs de cette société, quand on parle de Dieu, vous ouvrez la bouche. Un homme pourri, parce que tu es costumé comme il est là, avec un costume qui coûte cher, une dame bien habillée, elle rigole quand on parle de Dieu. Elle s'en fout parce qu'elle a des bijoux, elle achète ses habits, je ne sais où, dans les grands magasins, entre guillemets, sur la terre, dans les grands magasins qui coûtent cher. Tu vas récolter. Comment tu as fait pour avoir cet argent? Tu vas récolter tout ce que tu as sémé. Tout ce que tu as sémé pour avoir cet argent, Sarkozy est en train de récolter aujourd'hui l'humiliation. La première fois qu'on entend cela, qu'un ancien chef d'État français est en garde à vue. Vous pensez que c'est venu par hasard? Il dit, qui, la Bible, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que ne soyez pas séduits. C'est le sens premier. Ne vous y trompez pas, c'est-à-dire égaré. Les gens vous égarent. En partie, l'apôtre Paul exhorte les croyants égarés des galaxies à cesser de se laisser égarer par d'autres. Il y a des gens qui vous égarent, qui vous racontent des bêtises. Des philosophies orientales, occidentales. On vous dit, ne croyez pas en Dieu. Le ciel, ça n'existe pas. Et pourtant, tout ce qui est dit dans la Bible se manifeste dans ta vie. Ça va se manifester, tu le veux ou pas. Est-ce que Sarkozy le voulait? Il voulait se retrouver là où il est là? Et pourquoi il a d'abord perdu les élections? Il était au pouvoir et il a perdu les élections face à Hollande. C'est Dieu, c'était la main de Dieu. Et quand Hollande arrive, il perd. Pour vous montrer que c'est la main de Dieu, pourquoi Hollande n'a pas gagné? Pourquoi il ne s'est pas présenté pour la deuxième fois? Parce que Dieu a seulement utilisé pour chasser Sarkozy. Dieu voulait déjà le punir. Et je te dis assurément, Dieu va te punir sur tout ce que tu es en train de faire, les insultes, tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, en insultant les gens, les pasteurs, les hommes de Dieu, en critiquant. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Dans le domaine politique, tu vas récolter ce que tu sèmes. Dans le domaine, dans tous les domaines, s'il n'y a pas de repentance. Il précise, tu dois récolter, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Le grand danger que le monde court aujourd'hui, c'est qu'ils sont séduits. Ils appellent ce qui est faux, vrai. Ils appellent la contrefaçon vraie. Quand tu amènes la vérité, c'est cette vérité qu'ils appellent mensonge. Vous êtes dans les sectes, c'est ce qu'on entend tous les jours. Mais ils ne peuvent pas nous montrer la vérité. Ils ne peuvent pas nous prouver que nous sommes dans la vérité. Mais ils disent que vous êtes dans les sectes. C'est des grandes églises, c'est des grandes religions. Mais dans ces grandes religions, tout ce monde que vous voyez, autorité, ils s'entretuent entre eux. Tous appartiennent aux différentes religions qui existent. Aux différentes religions qui existent. Mais ils posent des actes que quand tu regardes, c'est-à-dire, ils ignorent carrément, ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils suivent les gens qui enseignent ce qu'on appelle des hérésies. C'est lui qui enseigne une hérésie au nom de Dieu. Mais il y a d'autres qui enseignent au nom de Satan sous le déguisement de Dieu. C'est ça dans la religion. C'est pourquoi la Bible revient là-dessus. Il dit, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 2 Timothée chapitre 3 verset 13. Égarant les autres et égarés. On a convoqué combien de personnes? Et tous ont mangé cet argent. Tout ce qui était au pouvoir avec Louis Sarkozy. Il distribuait. Si vous suivez le récit, il distribue. Ça ne passait pas par les banques. Ils sont allés jusqu'à louer un grand coffre-fort à la banque BNP. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout est dévoilé. Louer un grand coffre-fort à la banque BNP pour garder quoi? La liquidité. Ils ont donné l'information, gardé les discours, les documents du président. Oh, c'était faux. C'est pourquoi la Bible avertit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Aujourd'hui, l'élu, c'est qui? C'est la personne qui est née de nouveau. On ne parle pas de la religion parce que quand tu commences à parler de Dieu, et ce sont les religieux qui ont ce verset dans la bouche, il est écrit que les faux prophètes viendront. Mais tu as donc quelle connaissance pour détecter la présence d'un faux prophète? Tu n'as aucune connaissance. Tu sais seulement que on a dit que les faux prophètes viendront. Mais tu as donc quelle connaissance? La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si cet esprit qui me parle vient de Dieu, si Charles Somba vient de Dieu. Comment savoir que Charles Somba qui me parle aujourd'hui vient de Dieu? Parce que il me parle au nom de Jésus, premièrement. Et pourquoi au nom de Jésus? Parce que Jésus parle de la nouvelle naissance, que si tu n'es pas né de nouveau. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance apporte? Apporte la destruction de la barrière qui existe entre Dieu et l'homme. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, nous sommes nés avec une barrière qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, de voir la grandeur de Dieu, de voir la magnificence de Dieu, de voir aussi de recevoir la puissance du Saint-Esprit, vient de naître avec le Saint-Esprit. Nous naissons avec des démons à cause du péché originel. Nous naissons avec des démons. C'est pourquoi les petits-enfants commencent aussi à insulter. C'est le démon. Le père même a des démons, la mère a des démons, de génération en génération depuis la chute d'Adam. Mais alors, qu'est-ce qui peut ôter cette malédiction dans ta vie, ces démons dans ta vie? C'est ça le grand problème. Donc si quelqu'un te parle de Dieu, il ne t'explique pas pourquoi tu dois être sauvé de la malédiction d'Adam. Il est un faux prophète. Voilà le vrai faux prophète. S'il ne te parle pas de la nouvelle naissance, c'est lui qui est le faux prophète. Il va te parler d'un guide, d'un prophète que tu dois suivre. Est-ce que ce prophète peut te sauver? Il va te parler d'une religion. Il va te parler des cercles mystiques. Il va te parler de ceci. Est-ce que tu es sauvé là-bas? Sauvé. Le mot sauvé. Puisque nous lisons la Bible, et dans cette Bible, il est dit que Le monde moderne a aussi ses Belshazzar. Qu'est-ce que j'appelle ici? On a parlé de Daniel. Le Dieu de ce siècle, le diable a trompé ceux qui prennent le pouvoir. Ils se croient tout permis. Ils se croient quand il est déjà au pouvoir, c'est-à-dire ils s'en foutent de Dieu. Parce que toutes les caméras sont braquées sur toi. Et puis tu prends des décisions. Tu peux tuer qui tu veux. Mais l'humiliation commence sur la terre. Et tu seras humilié jusqu'au ciel. L'enfer qui existe bel et bien. Et Satan vous fait croire que l'enfer n'existe pas. Il existe bel et bien. Parce que tu n'as que quelques années à vivre sur terre. Et tu vas souffrir éternellement. Éternellement. Ainsi donc, Jean avait averti particulièrement les croyants en dehors disant, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean chapitre 1er verset 8. Jacques donne un avertissement semblable à ceux qui croiraient qu'il est suffisant de connaître la parole de Dieu sans y obéir. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On dit Dieu n'existe pas, donc sa parole aussi n'existe pas. Jacques chapitre 1 verset 22. Quand les croyants ne reconnaissent pas l'existence ni la gravité du péché dans leur vie, leur cœur s'égare, ils se moquent de Dieu. Parce qu'ils ne voient plus la gravité du péché, ce que tu fais. Ici nous parlons de la semence. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il s'agit là d'une règle élémentaire de botanique que tout le monde connaît. Elle est universelle. S'applique aussi bien aux fermiers qu'aux jardiniers. Pour tout et en tout temps. Aux jeunes comme aux vieux. Un jeune qui sème les insultes, il insulte les grands, il va récolter quoi? La malédiction. Il désobéit selon Galates toujours, chapitre 6, qui demande aux enfants d'être obéissants. Et lorsqu'un enfant est obéissant dans la maison de son père, il récolte quoi? Il récolte la vie. Il récolte d'abord le succès sur terre, selon Galates chapitre 6. C'est pas Galates, c'est la lettre de Paul. Lorsqu'il ajoute, il précise c'est lui qui sème pour la chair, moissonne la chair. La corruption. Pourquoi il doit moissonner la chair? Qu'est-ce qu'il appelle la chair? Voici la souffrance que Sarkozy, l'humiliation que Sarkozy est en train de traverser. Toutes les chaînes de télévision en parlent depuis le matin. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Ça s'adresse à qui? Aux enfants de Dieu. Il dit, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est ainsi que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, Lorsque nous quittons Galate, nous touchons directement Éphésiens chapitre 5. Il donne des instructions. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Une femme qui n'est pas soumise à son mari va récolter ce qu'elle sème. C'est ça la semence. Une femme qui insulte, qui engueule, qui n'obéit pas, qui fait à sa tête, va récolter. C'est ça la loi de la semence. Les enfants aussi, c'est la même chose. Là, c'est Éphésiens 6, à partir du premier verset. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça aussi, c'est la semence. Enfants, obéis. Obéir à qui? À tes parents, avant de quitter le foyer. Ça aussi, c'est la semence. Et quand on dit enfant, ne désignez pas particulièrement de jeunes enfants, mais tous ceux qui ont des parents. Tous qui ont des parents. Que tu sois adulte et que tu as un père biologique, tu dois obéir. Les fils et les filles qui sont encore sous le toit paternel doivent obéir à leurs parents et les honorer. Par exemple, le verbe obéir a trait aux actes et honorer à l'attitude. Ton attitude envers ton père. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si ton père parle et tu n'écoutes pas, tu vas récolter. C'est comme ça dans la vie. Ta mère parle et tu n'écoutes pas, tu vas récolter. J'ai commencé par vous prouver que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Puisque vous avez des ordinateurs aujourd'hui, vous avez des portables aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez, vous avez Internet. Et à cause de toute cette nouvelle technologie, les gens, ils s'en fichent. Dieu, quand on parle de la Bible, dit c'est démodé. Oh, la Bible parle de tout ça. Parce que vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Elle parle de tout ça depuis les temps anciens. Et puis vous vous dites, c'est des trucs démodés. Qu'est-ce qui est démodé? C'est toi qui es démodé. Toi, tu es né hier, tu grandis, tu vas mourir aujourd'hui. Passe une seule journée sans te laver. Passe une seule journée sans brosser tes dents. L'odeur que tu dégages. Dieu, la Bible dit, Dieu existe éternellement. C'est lui qui a créé tout ce que toi tu vois. La terre, l'air que tu respires, c'est lui. On te dit que Dieu a dit, tu dis, y'a toi qui, si tu n'as pas des démons sur toi, qui veulent te conduire dans les ténèbres de la malédiction. Toi qui, je suis belle parce que tu as mis la peinture sur toi, tu as pris les cheveux d'un cadavre hindou et tu poses sur la tête, soi-disant perruque ou mèche, et tu dis, je suis belle. Je suis beau parce que tu as un costume. Je suis intellectuel. Tu maîtrises quoi? Tu maîtrises quoi? Rien. Enfant, obéissez. Parce que tu risques de récolter ce que tu as sémé. Nous sommes toujours dans le livre de Galates. La Bible déclare donc, ne vous y trompez pas en croyant que Dieu ne traite pas sévèrement le péché. Le péché dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne soyez pas séduits. Comme les gens vous disent que la sanctification est démodée, n'est pas d'actualité. Vous êtes séduit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. En croyant que Dieu ne traite pas sévèrement le péché dans la vie de ses enfants, y compris le péché de l'égalisme, le péché dans le monde en général, parce que Sarkozy, n'étant pas enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu, appartenant à une religion, mais il pose des actes, et puis on lui a dit peut-être, enseigné dans là où il allait, que Dieu n'existe pas, tu peux faire ce que tu veux. Mais Dieu commence par t'humilier sur la terre. Qu'en sera-t-il quand tu vas mourir? Jean avertit particulièrement les croyants en leur disant, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Donc entre en toi-même pendant que je suis en train de parler. Ne vous y trompez pas. La repentance est très importante. Si Sarkozy s'est repenti, c'était repenti en disant, oh Dieu, j'ai mal fait, j'ai tué. Et monsieur, ce que Dieu veut, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand les croyants ne reconnaissent pas l'existence ni la gravité du péché dans leur vie, ça veut dire que le cœur de ce croyant s'est égaré, le cœur de cette personne s'est égaré, et c'est ça qui va te pousser même à se moquer des pasteurs parce que tu vis dans les péchés. À se moquer, ça te pousse même à haïr tout ce qui parle de Dieu. La deuxième conséquence est de loin la pire, car il s'agit de mépris de Dieu, se moque. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Qui pourrait aussi être traduit, fait un pied de nez. Dans le passage que nous venons de lire, on ne se moque pas de Dieu. Jean dit qu'un chrétien qui nie son péché fait de Dieu un menteur. Vous avez déjà lu ça? C'est-à-dire, tu ne reconnais pas que tu as péché. Tu es orgueilleux. Tu fais des analyses. Ça veut dire que la gravité qui se cache derrière ça, le démon qui se cache derrière ça, te pousse à dire que Dieu est menteur. Mais là, alors, c'est très grave. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché, qui n'est pas prêt à reconnaître son péché, et à se repentir, que ce soit l'homme face à sa femme, parce que la Bible dit, l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Que ce soit la femme face à son mari, les enfants face à leurs parents, qui ne reconnaissent pas leur péché, les brebis face à leur pasteur, les gouvernés face à leur gouverneur, et les gouverneurs, c'est-à-dire les autorités, face à leur Dieu lui-même, Dieu le Créateur, qui les a créés, et qui les a placés là. Mais c'est fini pour toi. C'est ce qui arrive à Sarkozy aujourd'hui. Et ça va arriver à tous, à toute autorité qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu dans sa vie. Et qui n'est pas prêt à se repentir. Et qui emmagasine l'argent, pensant que l'argent... Est-ce que Sarkozy n'a pas d'argent? Le Libyen, le guide Libyen lui a donné combien? Et il a gouverné la France pendant combien de temps? Tout ce qu'il a eu, il a ça. Lorsque tu pèches volontairement de quelque façon ou avec quelque gravité que ce soit, ça veut dire que tu renies le Seigneur. Tu renies le Seigneur. Tu es en train de se moquer de Dieu. C'est une moquerie. Dieu dit donne, tu dis je ne donne pas. C'est une moquerie. Et écoutez-moi bien. Pourquoi? Il le dit, ne vous y trompez pas. Avant de dire ne vous y trompez pas, nous sommes au verset 6, on ne se moque pas de Dieu. Mais alors, nous sommes au verset 7. Et au verset 6, qu'est-ce qui est dit? Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Et il continue en disant, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que tu as mis cette parole en pratique? La troisième chose que doit faire le croyant spirituel qui cherche à restaurer sa vie spirituelle, c'est que, puisque la Bible dit que c'est lui à qui on enseigne la parole, fasse part de toute bonne chose avec celui qui l'enseigne. bonnes choses pourraient être aussi bien matérielles. Finances. Mais aujourd'hui, quand tu parles d'argent dans une église, on te regarde comme un démon. Comme un démon. On dit tu n'es plus spirituel. Donc Paul n'était pas spirituel. Quand on dit financer une activité de Dieu, financer, mais ici il ne parle même pas des activités de Dieu. Il dit celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens. Aujourd'hui on dit on prend la voiture d'un serviteur de Dieu, on monte sur les réseaux, voilà la voiture, il va dire pasteur, il bouffe votre argent. C'est l'argent des dîmes, c'est l'argent des offrandes. Vous nourrissez. Ils volent votre argent. Ils font ceci. Or, ce sont des sorciers qui viennent raconter ce genre de choses. Pourquoi il va dans le verset 7, il dit, ce que vous sèmez, vous moissonnez. Donc, ce que vous faites à un serviteur de Dieu, si vous donnez la voiture, l'argent, vous êtes en train de s'aimer. Vous ne donnez pas. Vous êtes en train de s'aimer dans sa vie. Pour récolter bien après. C'est ce que ça veut dire. Mais de nos jours, qui le fait? Ici même en France, si un pasteur achète une voiture, les brebis quittent l'église. Les brebis quittent l'église. Or, qui a écrit tout ça? C'est Dieu. Je dis bien, les brebis quittent l'église. La semence est biblique. Tu sèmes le mensonge, tu vas récolter le mensonge. Tu mens sur les gens, tu insultes les gens, on va t'insulter. Jésus avait déjà dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et ça, c'est pas écrit. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Il parlait de la semence. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé, frère, sœur. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Tu aimes ton mari, le mari va t'aimer. Tu aimes ta femme, la femme va t'aimer. Tu aimes tes enfants, les enfants vont t'aimer. Quoi qu'il arrive, tout ce que tu sèmes, tu dois récolter. Tu sèmes l'hypocrisie, tu vas récolter l'hypocrisie. Ce n'est pas dans encore l'enfer. Non. Ici sur terre, Sarkozy est en train de récolter. Le premier ex-chef d'État français à être humilié. De cette façon. Il a été d'abord humilié par Dieu, il était au pouvoir face à Hollande, il a perdu les élections. Je dis face à Hollande, le gars perd les élections. Il quitte l'Élysée, ayant tout cet argent, ayant des contacts, c'est lui qui avait des contacts dans le monde avec Obama, avec Angela Merkel et les autres, tout ce monde-là, il avait tout ce contact. Mais il a perdu les élections. C'était le langage de Dieu. Parce qu'on vous dit, entrez dans les réseaux, vous allez, si vous êtes dans un réseau, vous aurez le travail, vous aurez les nominations, vous aurez ceci. Mais monsieur, vous vous trompez. Madame, vous vous trompez. Cherchez Dieu à partir de cet instant. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Mais tu as sémé quoi? Il a d'abord parlé de quelque chose qui est important. 2 Corinthiens chapitre 9 parle de la semence, n'est-ce pas? Il parle de la semence. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux croyants, sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Les croyants doivent savoir Comme la Bible le dit, le point capital de ces versets est clair. Plus on donne, plus Dieu donne en retour. C'est ça la semence. Plus on donne, plus Dieu donne en retour. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. J'ai dit tous les fermiers, tous les agriculteurs connaissent l'importance de la récolte, qui est directement proportionnelle à la quantité de semences mises en terre. Le fermier qui sème peu de semences moissonnera une maigre récolte. Celui qui sème abondamment moissonnera une récolte abondante. Au fur et à mesure que tu passes le temps à pêcher sur la terre, tu vas récolter une moisson de malédiction. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois homme, que tu sois femme, autorité, esclave, manœuvre, cadre, tout ce que tu sèmes, tu vas récolter cela abondamment. Tu sèmes le mépris, que tu méprises les gens, tu vas récolter ce mépris. La désobéissance, tu vas récolter. Ça sera, donc il dit abondamment, abondamment, qui signifie littéralement bénédiction. Pour ceux qui sèment le bien, ceux qui donnent généreusement moissonneront de riches bénédictions de la part de Dieu. Tandis que ceux qui se retiennent égoïstement de le faire, craignant de perdre quelque chose, se privent d'un gain. Parce que quand tu donnes, tu penses que tu es en train de perdre. Et les païens, les sorciers vous disent, ah oui, vous allez dans les églises pour enrichir les pasteurs, pour donner, pour perdre votre argent. Oui, ils sont en train d'appauvrir, ils sont en train d'appauvrir. Voilà ce que les médias vous disent. On fait des documentaires, ils sont en train de dépouiller, ils sont en train de dépouiller. Et Dieu lui dit le contraire. Celui qui sait gérer dans le monde, c'est la personne qui sait épargner. Là, on dit alors que cette personne-là, vraiment, il gère bien. Mais Dieu dit le contraire. Il dit le contraire. Proverbes chapitre 11, versets 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le plus grand scientifique que le monde n'a jamais connu, c'est Dieu. Et Dieu dit, c'est lui qui donne. L'apôtre Paul revient, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Actes chapitre 20. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Qui parle, c'est Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, désarmé. Et vous verrez si je n'ouvre pas des écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Jésus-Christ dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée. Et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Avec la mesure dont vous vous serez servi. Comme vous avez passé le temps à insulter les gens, on va vous mesurer avec la même mesure. On va vous insulter. C'est sûr et certain. Les pasteurs qui passent le temps à chercher à détruire les assemblées des autres, on va détruire ton assemblée. Tu montes, tu descends. Tu sors d'une assemblée en quittant avec les membres de cette assemblée-là pour aller créer ton assemblée. Et aussi, tu vas récolter la même chose. Ce que tu diriges là vont faire la même chose. Pire encore, tu vas te retrouver dans des problèmes graves. C'est une semence. C'est une semence. Tu ne peux pas rater cette semence. Une fois semée, ça doit pousser. À moins que tu ne te répandes. Et tu recommences à faire le contraire de ce que tu faisais. C'est-à-dire, si tu ne donnais, tu demandes d'abord pardon à Dieu. Je ne donnais pas la dîme. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Et tu commences à donner. Je donnais des offrandes en compte-gouttes. Et c'est pourquoi la pauvreté pèse sur toi. Et tu commences à donner. Je ne sèmais jamais dans la vie Comme l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, vous m'envoyez déjà à Thessalonique, il y a deux reprises ou quoi pour voir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde dans votre compte, le fruit de la semence. Puisque tu as semé, il y aura, tu vas récolter beaucoup de fruits. L'apôtre dit, je recherche le fruit qui abonde dans votre compte. Qu'est-ce que Sarkozy est en train de récolter là? Tous les voleurs d'Afrique, autorité, vous aviez affamé le peuple, vous allez récolter. Je parlais avec quelqu'un, on dit que c'est l'ancien président burkinabé qui aurait tué Sankara. Alors, il est resté au pouvoir pendant combien de temps? Il pensait que Dieu a oublié? Comment un petit peuple non armé peut te chasser du pouvoir? Vous avez la mémoire tellement courte, vous là, vous. Comment un petit peuple, le peuple burkinabé, avec quelle arme pour chasser ces messieurs? Mais c'était la main de Dieu. Il fallait qu'il récolte tout ce qu'il a fait sur la terre. Je le disais, je parlais avec une autre personne au sujet de Gbagbo. J'ai dit, vous parlez toujours, vous racontez des histoires. Est-ce que vous savez que Gbagbo fut le premier à faire descendre les universitaires à la rue, à monter une opposition contre le père de cette nation qu'on appelle Oufuet Boigny? Il a fait pleurer ce monsieur. Et vous pensez que ce qu'il récolte aujourd'hui, et Dieu l'amène, il le met au pouvoir, il dit, tu vas goûter, toi aussi tu vas goûter. Mais alors il est en train de récolter ce qu'il avait semé. Parce que quand il parlait, regardez les vidéos, quand il était dans l'opposition, ce qu'il a fait au fouet. Dieu, frère, n'oublie pas, c'est toi qui oublies. Tu sèmes, tu dois récolter. Tu montes, tu descends, tu vas récolter encore sur cette terre. Je peux citer jusqu'où? Nous parlons de Mobutu, au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait au premier, l'ancien premier ministre, le feu, qui est mort, qu'on a tué comme un chien, découpé en petits morceaux? Il a participé lui aussi à ce meurtre. Il savait qu'il serait tué. Mais comme il voulait le pouvoir, comme on va me donner le pouvoir, tous ceux qui vont le tuer maintenant, c'est moi qui vais prendre le pouvoir, au lieu de défendre son frère. Mais est-ce qu'il est mort au Congo? Sans Jésus, s'il n'a pas reçu Jésus, il est en enfer aujourd'hui. Je suis en train de vous citer seulement quelques cas. Tout ce que vous faites, vous êtes ministre. Vous montez des choses contre ceux qui sont faibles. Ou bien ceux qui... Sachez que vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, les blancs font ceci, les blancs font cela. Mais Dieu, c'est la main de Dieu qui est en train de les utiliser. Que ce soit au sujet de Gbagbo, c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. C'est la main. Personne ne peut aller contre la main de Dieu. Répentez-vous. Si tu as posé un acte, répands-toi avant que la colère de Dieu ne se manifeste sur toi. Toutes les abominations commises, tu vas payer. Même si tu vois le temps passer, Mobutu est resté combien de temps au pouvoir? Gbagbo est resté combien de temps au pouvoir? Le Burkinabé qui est en exil en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est resté combien de temps au pouvoir? J'ai dit bien, il est resté combien de temps au pouvoir? Et je reviens, quand on revient même sur Kadhafi, n'a-t-il pas chassé quelqu'un au pouvoir avant de prendre le pouvoir? Kadhafi lui-même. Il n'est pas impossible que les scandales arrivent, mais malheur à qui? À celui dont le... Malheur à celui dont le scandale passera. Il n'est pas impossible que les scandales arrivent. Tu fais, tu tues, tu peux tuer, tu brûles le corps comme ça se passe ici en Europe. Comme les sacrifices humains, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, tu veux le pouvoir, tu commences à tuer les petits enfants, tu vas payer. Les sacrifices humains. On m'a envoyé ça tout à l'heure, ce qui se passe au Cameroun. C'est grave. C'est grave. Je vais vous montrer ça. On m'a envoyé ça tout à l'heure sur Facebook. Au Cameroun, c'est grave. Ils veulent le pouvoir. Ils sont en train d'assassiner des petits-enfants, de rien du tout. Les assassiner. J'étais choqué quand j'ai vu ces images. Vous allez voir tout de suite. La femme qui m'envoie ça, regardez. Voici la tête d'un petit enfant. Cet enfant n'a même pas. Regarde les pieds des enfants. Il n'est pas seul. Voici la tête. On a coupé. Et ça a été fait hier, cette nuit. Cette nuit. Dites-moi un peu, c'est lui qui a fait ça. Il ne va pas payer. Peut-être il aura le pouvoir, puisque les élections arrivent. Les élections arrivent. Voici les pieds des petits-enfants. Les parents ont pris soin de garder ses enfants, d'élever ses enfants. La maman a porté cet enfant, son enfant, dans le ventre. Dans le ventre. Pendant combien de mois? Elle va souffrir dans un hôpital pour accoucher. Il élève cet enfant qui a déjà 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Et tu voles cet enfant. Tu attires cet enfant dans un piège. Tu le découpes en petits morceaux. Comme ce que nous voyons ici. Les sacrifices. Tu le découpes en petits morceaux. Des sacrifices. On donne au diable pour que tu deviens chef d'État ou ministre, pour que tu sois nommé directeur général, ministre. Voici ce qui se passe au Cameroun. On insulte les pasteurs pour aller faire ça. On calomnie, on donne de l'argent. Avec de l'argent qu'on vole, on donne aux journalistes, critiquer les socialistes en bas. Insulter, dites qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, pour chasser les brebis, pour je ne sais quoi. Et tout ce monde, en faisant cette magie, couche avec les filles de part et d'autre. Les filles qui se prostituent pour avoir de l'argent. Tout ce que vous sèmez, vous allez récolter. Parce que ces gens ont des démons sur eux. Ils volent votre étoile. Ils détruisent votre vie. En couchant seulement avec toi. Vous pensez que c'est une bénédiction? Parce qu'il t'a donné 5 millions. Tu vas faire des enfants avec un homme comme ça. Parce qu'il a l'argent. Ils sont au pouvoir. Ceux qui veulent être nommés, ceux qui veulent rester au pouvoir, ils sont déjà au pouvoir. Ils donnent de l'argent aux bandits. Et le bandit prend aussi, va tuer l'enfant. On te donne 500 000, va m'apporter les membres d'un enfant. Tu vas couper un enfant. Ça se passe comme ça. Partout en Afrique. Partout dans le monde. Et ça arrive pourquoi? Parce que les gens ont refusé l'évangile. Ils ont refusé l'évangile. Ils prennent des prétextes à gauche, à droite. Voici ce que vous devez faire. Voici la semence. Ça, c'est la première partie sur la semence. Avec un œil spirituel. La façon dont les gens considèrent l'argent est un bon baromètre de leur spiritualité. L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. Ceux qui sont corrompus peuvent en faire un mauvais usage, tandis que ceux qui sont bien peuvent en faire un bon usage. Même si l'argent est neutre, l'usage que font les gens de leur argent reflète leur moralité intérieure selon ce que Jésus a écrit. Il dit ceci, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc chapitre 12, verset 34. La Bible n'interdit pas la possession d'argent, pas du tout. En fait, elle enseigne que l'Éternel donne de la force pour acquérir ses richesses. C'est Dieu qui donne de la force. Et quand il te donne de la force, il nous donne aussi en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Mais il veut que ton argent puisse nous servir. Depuis que nous parlons de la salle ici en Europe, des télévisions, des radios pour enseigner tout ça. Mais tu as l'argent, tu n'as jamais regardé le compte bancaire que nous donnons pour que tu fasses un transfert là-dedans de 100 euros, de 200 euros, de 1000 euros. C'est ça la semence. La vraie semence, c'est ça. La vraie semence, c'est ça. Il n'y a pas de semence. Si on ne donne pas à Dieu, et pour qu'on donne à Dieu, j'ai dit, et pour qu'on donne à Dieu, il faut d'abord appartenir à ce Dieu. C'est-à-dire, tu es né de nouveau. Lorsque tu es donc né de nouveau, et Dieu commence à faire son travail avec toi. Hier, on a montré des choses importantes. Et ces choses importantes, ici, c'est notre centre. L'église où tu dois donc. Ça, ce sont les finitions sur un temps. Les 44 mois, ce sont les finitions. Les grosses, ce qu'on appelle gros œuvres, tout ça, c'est déjà fini. Nous sommes au niveau des finitions. Au niveau des finitions. 44 000 sans toucher la télévision, sans toucher la radio, sans toucher les appareils, sans toucher les... Rien que cette semaine, il faut 44 000 euros. Donc près de 30 millions de francs CFA. Cette semaine, jusqu'à la fin du mois, il faut 44 000 euros. Ça, c'est le siège. Où sont les œuvres? Où est la semence? C'est ici, dans les choses pareilles, que tu dois s'aimer. Et Dieu va t'enrichir dans l'usage que tu feras avec ton argent en mettant la semence ici. C'est en ce moment que Dieu va t'enrichir. La Bible n'interdit pas la possession d'argent. Dieu nous donne avec abondance en vertu de sa bénédiction bien des hommes pieux mentionnés dans l'écriture comme Job. Job a donné, Abraham a donné, Isaac a donné, Jacob a donné, Boaz a donné, Ruth a donné, Salomon alors c'est grave. Ils étaient extrêmement riches. Mais avant d'être riches, ils ont d'abord donné. Dieu en effet promis à son peuple que leur obéissance envers lui résulterait également en bénédiction matérielle aussi bien que spirituelle. Et on pense toujours que l'obéissance parce que j'évite le péché, je ne mens pas, je ne fais pas ceci. Et puis tu refuses de donner les dîmes. Tu refuses, tu ne vis pas dans l'impudicité, je ne vis pas dans l'impudicité, c'est ce que j'entends souvent. Oh papa, tu sais, moi, j'évite le péché aujourd'hui, mais tu ne donnes rien. Tu dois récolter. Oui, tu évites le péché, tu iras au ciel. N'est-ce pas Lazare est allé au ciel étant pauvre sur la terre? Tu as entendu un jour que Lazare a donné quelque chose à qui que ce soit? Lazare mangeait même les mets sur la table du riche. Tu penses que les mets qui tombent de la table du riche ressemblent aux mets qui tombent de la table du pauvre? Non, pas du tout. Pas du tout. Le riche, ce qui reste sur la table, peut nourrir tout un quartier. ce qui reste sur la table du riche, ça peut nourrir tout un quartier. Mais est-ce que Lazare a pris un jour ce peu-là pour donner aussi aux autres mendiants? Lui qui avait accès sur la table du riche, est-ce que tous les mendiants, c'était aussi une bénédiction, est-ce que tous les mendiants avaient accès sur la table du riche? Non. Mais il ne pensait pas aux autres mendiants, c'est pourquoi il a demeuré dans la pauvreté. Mais il est allé au ciel. Beaucoup. Lorsque vous refusez de donner, de s'aimer sur la terre, vous irez au ciel. Mais en principe, vous allez vivre dans la misère, dans la pauvreté. On va prier, prophétiser sur vous, ça ne va jamais s'accomplir. Bien que la Bible n'interdise pas la possession d'argent, elle affirme que nous ne devons pas l'aimer jusqu'à rester attaché que pour donner. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Plus loin dans ce même chapitre, Paul exhorta Timothée ici, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Aimer l'argent, c'est avoir pour lui une affection malsaine et être poussé à l'acquérir jusqu'à tuer, jusqu'à refuser de donner à Dieu, jusqu'à refuser de s'aimer dans de telles œuvres où nous allons donner, où nous allons annoncer l'évangile, télévision, radio et autres. On va annoncer l'évangile, les radios, les télévisions qui seront installées ici. Tout ce qui sera fait ici. Dans un grand domaine comme celui-ci. Mais on parle, dès que tu finis de regarder, tu dis « ya ». Mais ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Il n'y a pas autre chose. Hein? Moi, je ne fais que parler. Et je vous montre ça tous les jours. Car Sarkozy a sémé pour la chair. On t'a dit qu'il a donné un euro à une église quelque part? Tout ce qu'il a encaissé là. On t'a dit qu'il a donné quoi que ce soit à qui que ce soit. Non, ce n'était pas son problème. Il voulait être président. Toi, tu veux travailler, avoir du travail, gagner beaucoup d'argent. Tu finiras ta vie comment? Tu veux te marier. Tu veux ceci, tu veux cela. Ici, voilà les gens qui travaillent dans ce chantier. Je ne dis pas payer ma maison. Non. Mais viens et sème ici. La Bible mentionne plusieurs moyens acceptables d'acquérir de l'argent, y compris les dons. Actes chapitre 20, verset 35. Philippiens chapitre 4, verset 16. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique. De quoi pourvoir à mes besoins? Les dons. Les investissements. Matthieu 25, 27. Les économies. Économie ici, on économise au ciel. Ce qui viole le principe biblique relatif à l'argent risque de finir par en manquer. Ceux qui sont dans cette situation doivent se demander s'ils ont vraiment besoin de plus d'argent ou s'ils en veulent simplement davantage. Ils devraient également reconnaître que leurs ressources limitées peuvent être un moyen pour Dieu de leur révéler que leurs priorités sont mauvaises. Parce que beaucoup de personnes sur cette terre, leur priorité, c'est quoi? Leur priorité, ce n'est pas vraiment le ciel, c'est l'argent sur la terre. Comme la priorité de Sarkozy était quoi? Le pouvoir. Et derrière le pouvoir, il y a quoi? Il y a l'argent. On ne veut pas le pouvoir pour rien. Et quelqu'un lui fait du bien. Il finance sa campagne. Le gars parvient à tuer. Et pour faire du mal à tout un pays. Aujourd'hui, la Libye est devenue quoi? Un passoire. Les gens passent. Lorsque Sarkozy était là, est-ce qu'il y avait problème? Immigration, vente d'esclaves, tout ce qu'on voit ici aujourd'hui. Les gens quittaient l'Afrique pour aller travailler là-bas. Le colonel Kadhafi a fait une barrière. Quel est bien qui fuyait son pays pour aller travailler ailleurs? Ils avaient tout. Et tu viens, tu déranges un pays comme ça. Et tu penses que Dieu va te laisser tranquille. Il va te laisser au pouvoir. Si Sarkozy n'avait pas fait ça, il allait gagner son deuxième mandat. Alors, sans repentance, monsieur, je dis bien sans repentance, rien ne peut marcher et rien ne marchera. Pour tout le monde, tout ce que tu as fait depuis ton enfance, dans la maison de ton père, dans l'église où tu vas, jusqu'à ce jour, toi qui regardes cette émission, et repentance veut dire faire ce qui est bien. Comment tu as donné à Dieu quand tu vas à l'église? Quelles sont les priorités dans ta vie? Priorité dans ta vie, c'est quoi? Je dis, ceux qui violent les principes bibliques relatifs à l'argent risquent de finir par en manquer. Ceux qui sont dans cette situation doivent d'abord se demander s'ils ont vraiment besoin de plus d'argent ou s'ils en veulent simplement davantage. Ils devraient également reconnaître que leurs ressources limitées peuvent être un moyen pour Dieu de leur révéler que leurs priorités sont mauvaises. Si tu es dans la pauvreté, un mauvais usage des ressources que Dieu a accordées dans le passé, surtout l'abus du crédit, vivre crédit sur crédit. Tu n'as même plus un rond pour donner à l'église, tu vas seulement s'asseoir. Et quand on parle d'argent, ça t'énerve. C'est un démon de pauvreté. Tu prends tout à crédit. Tu n'as plus rien pour donner. Rien. Et tu penses qu'on va prier, on va poser sur toi. Ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Ces prophéties-là viennent de qui? Pour un bandit spirituel qui est assis dans une église, bourré de crédits. Il s'excuse tout le temps. Ça l'énerve même quand on parle d'argent. Faisons attention. Ton attitude peut entraîner un manque de ressources dans le présent. Les gens peuvent aussi manquer d'argent parce qu'ils sont pingres d'abord. Luc chapitre 6, verset 38. Ils épargnent à l'excès, Proverbe chapitre 11, verset 24. Ils sont impulsifs ou impatients. Alors tout ça, ça doit t'amener à réfléchir. Je précise, ça doit t'amener à réfléchir. Alors que Dieu te bénisse et que sa grâce continue à toucher ta vie, à bouleverser ta vie, voici où tu peux faire ton virement bancaire, ici, par virement bancaire, banque Crédit Mutuel, pour participer à ces œuvres, pour s'aimer dans cette œuvre. Je dis pour s'aimer dans cette œuvre-là, ici en France. Il faudrait que tu s'aimes. C'est pour ça que je dis aussi bien. matin pour l'électricité. Pourquoi? Parce que je vais être obligé de repartir à zéro. Est-ce que tu comprends? Il y a déjà l'ancienne installation, pas l'ancienne, l'installation que les autres. Oui, mais moi, laissé, problème, j'ai compris, mais le problème de tout ça. Ça veut dire que vous ne recommencez pas à zéro, il y a déjà non, une installation, et tout existe. Oui, mais elle existe. Ce que vous avez, c'est ajouter, ce que vous avez à faire, c'est ajouter. Non, mais tu ne peux pas ajouter, pourquoi, Martin? Tu ne peux pas ajouter. Parce que moi, c'est mon assurance qui va prendre en compte après, s'il y a un problème ici, demain, d'un court-circuit ou quoi que ce soit. Vous reprenez alors à zéro? Quand je me comprends quand je dis repère à zéro. Je reprends l'éclairage, peut-être au plafond. Oui. Je vais faire des trous à droite à gauche, sur les champs, pour regarder où le câble va exactement, d'accord, et combien il y en a. Est-ce que tu comprends? Oui. Je vais pas tout casser. Je vais simplement tester chaque fil à chaque endroit pour amener mon disjoncteur à tel endroit à chaque fois. Est-ce que tu comprends? Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de choses qui sont en bas. Tu comprends? Il y a encore des interdifférentiels que le grand regarde. Ah ben tiens, rien que pour l'éclairage de là-haut, tu coupes là en bas, ça coupe l'éclairage en haut. Donc il y en a un qui a du mal à le faire, parce qu'on a vu ça dans la fois avec Armé. Quand on coupe, il y en a deux là-bas qui sont là, et en bas, il y en a un là-bas. Donc celui-là, il va bien falloir que je le ramène là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, et puis il y a plein de trucs. Les prises de courant de ton bureau à toi, ils sont en bas encore. Donc tout ça, il faut que je le ramène là-bas, moi. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, quelque part dans le plafond, à un certain endroit, je vais devoir faire une bande complète pour repasser tous mes câbles et qu'on n'ait plus rien en bas. Tu comprends? Toi, en bas. C'est pourquoi nous vous demandons expressément de pouvoir s'aimer, de s'aimer ceux qui peuvent vous donner les 500 euros, les 1000 euros, les 2000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros pour ce grand chantier, le chantier de l'évangélisation, le chantier de la bénédiction. Le chantier qui ouvre les écluses des cieux dans vos entreprises, dans vos projets, votre famille, votre vie spirituelle, aussi votre vie matérielle, financière. En ce moment, comme ça a été dit dès le départ, voilà, il y aura une sortie. Il y a une sortie ici. Ça, c'est la sortie de secours. Oui. Pour ta deuxième sortie de secours. Qui est effectif. Il y a aussi une sortie pour l'autre salle. Il y a une sortie pour l'autre salle, exactement. C'est ça. Bon, regarde, il y a encore une deuxième ici. Ça veut dire que là, tu as deux sorties de secours quelque part pour tous les gens qui ont 6 ans, largement. Les eux, ils ont leur toilette en bas. Ouais. Donc en fait, les toilettes du bas, t'as parti. Et comme je suis mis aux toilettes, Martin dit là, comme ça, je me suis cassé tout l'intérieur. C'est malheureux. Bah oui, parce que regarde comment c'est foutu. Ici, c'est pour les, comment on appelle, les handicapés. Oui, les personnes. Un toilette handicapé. Oui. Il faut un toilette handicapé femme, un toilette handicapé homme. C'est une obligation. Donc effectivement, ici, on va faire un toilette handicapé femme. Oui. D'accord. Mais on va faire autrement. On va le faire à l'intérieur de la toilette. Ça, ce sera l'accès femme, l'accès 1. Et l'autre côté, ce sera l'accès femme. Ça veut dire qu'il y aura deux accès. On va couper l'accès 2. D'accord. Ça veut dire qu'ici, on va fermer. D'accord. Il y aura deux toilettes ici. On va créer la toilette handicapée là-bas dans la douche. Donc tu auras un toilette ici, un toilette là, plus la toilette handicapée là-bas. D'accord. Et ici, on va créer deux toilettes. Un toilette handicapé et un toilette normale. Ce sera pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes. Donc, il y a déjà une toilette ici pour les femmes. C'est ça. Voilà, exactement. Cette toilette est ici. Et un toilette handicapé pour les hommes. Ou pour les femmes, ça dépend où on veut les mettre. Oh. Il n'y a pas. Dans les nouvelles normes, tu ne peux pas faire aller un handicapé ou une femme. Mais je sais pas. Mais ça, on va le supprimer. On va faire la toilette handicapée dedans. Femme. Ici, on va mettre une porte normale, d'accord. Avec une ouverture interne, on va l'agrandir un petit peu parce qu'il ne sera pas assez gros pour les handicapés. D'accord. Et on va Alors voilà, si on vous demande de donner, vous avez la preuve. Les gens ne diront plus, ah oui, on escroque notre argent, on ne vous demande absolument rien. On vous demande tout simplement de s'aimer, c'est une occasion que Dieu vous permet de s'aimer pour avoir, pour recevoir. Et si vous s'aimez dans une telle œuvre, je pense que vous êtes condamné à la bénédiction, condamné à la prospérité, condamné à la richesse, condamné à toute forme de bénédiction, que ce soit matérielle, financière, spirituelle. comme l'apôtre Paul nous dit. Et je pense aussi que tout ce qui, selon 1 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens, pardon, chapitre 9, lui le dit, l'apôtre le dit, il dit ceci, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a reçu de lui en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, en toutes choses. En toutes choses. Eh bien, voilà ce qui s'est passé chez les Corinthiens, c'est que ils n'ont pas compris que la grâce s'est manifestée, une grâce salvatrice, une grâce transformatrice et sanctifiante, qui est le désir de donner, la vraie grâce. Les gens disent que nous sommes sous la grâce, mais ils ne donnent jamais, ils ne font rien du tout. La grâce, elle est salvatrice, elle est transformatrice, elle est sanctifiante. Et quand tu es sous la grâce aussi, tu as toujours le désir de donner généreusement, et avec sacrifice à ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu ici est dans le besoin, ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Dieu est dans le besoin, il crée une occasion parce qu'il veut bénir quelqu'un. C'est ça le problème. Au sujet des Macédoniens, qui n'ont pas donné comme les riches de ce monde. Le font souvent, les riches de ce monde ne donnent pas. Parce qu'ils savent par où ils prennent cet argent. Par où leur argent, leur bénédiction, entre guillemets bénédiction, ça passe par des sacrifices humains. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, la magie, la sorcellerie, l'escroquerie, la corruption, les détournements. Donc, tu vas dire à celui-là de donner, il va dire que mon argent n'est pas venu de Dieu. Il sait que cet argent, or, s'il se répand, il demande pardon à Dieu, il confesse, il demande pardon à Dieu. Sincèrement, au nom de Jésus, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Les riches de ce siècle qui ont volé, qui ont fait ceci. Tu demandes, Dieu pardonne, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Tu as volé, tu as détourné. Demande pardon à Dieu. Confie-toi à un homme de Dieu. Mais ce que vous faites, vous allez donner dans la religion, tu prends 1 million de francs, tu vas donner à la religion et tu continues à faire tes choses, tes saletés. Tu continues à voler, tu continues. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Voici un domaine comme celui-ci. Un domaine qui doit être non seulement en location, mais acheté. Mais avec quoi? Ça fait... Il faut des millions d'euros pour acheter ça, ce domaine. Des millions d'euros pour acheter ce domaine. Et c'est ça qui vous manque, si vous s'aimez. Mais maintenant, jusqu'à la fin du mois, pour lancer la radio et autres, dans la radio, la télévision, tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, plus de 300 000 francs, 300 000 euros. Mois de mars, mois de avril. Voilà ce qu'il faut. N'ouvrez pas seulement la bouche pour insulter. C'est le moment de réagir. Je ne peux pas entrer dans un domaine comme ça et filmer si on ne t'a pas autorisé. Et pour t'autoriser, il faut que cet endroit t'appartienne. C'est pour toi. Tu ne peux pas parcourir. Ça montre que là où je suis, j'ai déjà des deux pieds à l'intérieur de ce domaine. Beaucoup d'argent. Une somme colossale a déjà été dépensée pour acquérir cet endroit. Alors il faut s'aimer, vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.